Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Léviathan et aujourd'hui on vous fait un petit épisode spécial. Alors c'est pas sur le modèle des épisodes qu'on va vous sortir tous les mois et qui ont recommencé pour cette saison 2 le mois dernier, donc en octobre, mais on voulait faire un point particulier sur les élections américaines et notamment sur la question politique étrangère après le départ de Trump de la Maison Blanche. Vous écoutez Léviathan, votre podcast dédié aux relations internationales et à la défense. Pour en parler aujourd'hui, donc, nous avons, comme d'habitude, Carolina. Carolina, bonjour. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre un petit peu plus la parole, contrairement au dernier épisode. On a hâte de t'écouter. Et nous accueillons aussi Anthony Davila, qui est postdoctorant et chercheur à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et à l'Institut d'études de stratégie et de défense, l'IESD. On se connaît tous depuis pas mal de temps, notamment parce qu'Anthony a été notre professeur à l'époque, quand Carolina et moi étions encore en master. Et Anthony qui a pas mal travaillé sur la question de la politique étrangère américaine de manière large. Et donc il va pouvoir nous renseigner particulièrement sur le tournant potentiel, en fait, que va prendre cette politique étrangère après la prise de fonction de Joe Biden. Donc Anthony, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Et on va commencer par poser une question à Carolina. Alors, ces élections, elles ont été très compliquées. On a tous suivi dans les médias qu'il y avait des retournements de situation, que les comptes ont été très longs, etc. Est-ce que tu pourrais nous faire un point de situation? Pourquoi est-ce que l'élection a pris tant de temps? Pourquoi est-ce que l'élection est si compliquée? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les résultats définitifs dès maintenant? Et qu'est-ce que ça a comme implication sur, finalement, la politique intérieure et même extérieure des États-Unis pour l'instant? Alors, bonjour à tous. Ça a été en effet des élections assez exceptionnelles. Nous n'avons à ce jour, donc pratiquement une semaine après la date d'élection, le compte complet dans tous les États d'ailleurs, il faut le noter, malgré le fait qu'on sache que Biden a gagné, nous n'avons toujours pas le compte total. Et c'est vrai que moi, j'étais devant mon ordi tous les jours, tout le temps en train de regarder, puisque c'était assez exceptionnel et intéressant. Il y a plusieurs points que j'aimerais noter. Le tout premier point que j'aimerais noter, ce serait quand même par rapport au fait de pourquoi ça a pris aussi longtemps, puisque ça a été beaucoup parlé, beaucoup de médias notamment semblaient surpris. C'était pas surprenant, en fait. Si on suivait un minimum ce qui se passait aux États-Unis, on saurait que le compte allait prendre bien plus de temps, puisqu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont voté par correspondance, enfin par courrier, en fait. Beaucoup, beaucoup plus, c'est dû à plusieurs raisons, une des raisons étant évidemment le Covid. Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais il y a certains États et certains counties, notamment, qui ont eu, mais 10 fois plus de votes par courrier que ce qu'ils ne l'avaient avant. 10 fois plus aux États-Unis, ça veut dire passer de 14 000 à 140 000. Enfin, c'est vraiment des proportions immenses. Donc, je trouve que ça, c'est assez important à rappeler, en fait. Et même en termes de nombre total de votes, ces élections ont connu un taux de participation immense, à savoir que pour Obama, qui a été le président qui a eu le plus de votes, et ça je parle en termes de une personne un vote, donc en termes de vote populaire, il avait eu le nombre le plus grand de votes, qui était autour des 70 millions de votes, pardon. Ici, dans ce cas-là, Biden a eu plus de 75 millions, et même Trump, en fait, a atteint ce record en ayant plus de 71 millions. Donc, vraiment, ces élections ont pris une proportion immense que je trouve extrêmement intéressante et que c'est important de rappeler. Et il y a même dans certains États, donc par exemple la Géorgie, les comptes n'ont pas fini. notamment les militaires américains, ils doivent voter par correspondance, ceux qui sont déployés. Et donc, ces votes, ils arrivent plus tard. Donc ça, ce n'est pas non plus quelque chose qui soit anormal. Mais il y a certains États aussi qui acceptent tout simplement les votes qui soient par courrier, qui arrivent jusqu'à une semaine plus tard. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont assez... qui sont pas surprenantes dans ce qui s'est passé, et il faut le prendre en compte. Sur la question du nombre de votants par courrier, alors effectivement, c'était assez inédit, mais tu l'as dit, il y a plusieurs raisons qui ont fait que c'était attendu, le fait qu'il y ait beaucoup de votes par courrier, notamment dû au Covid. Est-ce que c'est un manque de préparation des États, de manière générale, de ne pas avoir anticipé une vague de votes par courrier, quand bien même l'élection Trump-Biden a finalement déchaîné les foules, finalement, en termes de participation, et on le savait même avant le D-Day et la participation. Donc, est-ce que c'est parce que les États n'ont pas assez mis de moyens humains pour dépouiller ces votes-là? Ils n'ont pas anticipé, ou vraiment on ne pouvait pas anticiper à ce point-là? Alors, je pense qu'il y a un mélange des deux. Je n'ai pas regardé assez précisément, puisque comme tout est fait par county, ça va dépendre énormément aussi de où on se situe. Donc, je pense qu'il y avait d'une part un manque de préparation, d'une autre part. Je pense que certains États et counties se sont fait surprendre parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces votes par correspondance qui ont été déposés, entre guillemets, la veille, par exemple. Donc, il y a eu aussi une très grande mobilisation, un peu aussi vers la fin, juste avant le jour de l'élection, qui ont fait ça. Je pense que, honnêtement, je pense que c'était un mélange des deux, et je pense que ça va aussi dépendre un peu géographiquement de où on se situe. Donc, tu as montré à juste titre que Biden avait déjà récolté plus de voix que n'avait récolté Barack Obama, ce qui était déjà historique. Mais à ton avis, alors même si c'est une question finalement plutôt simple là-dessus, ce sont des voix pro-Biden qu'il a récupérées ou des voix contre Trump? Parce que pourquoi est-ce que autant de personnes se sont mobilisées autour de Biden? Est-ce que c'est pour sa personnalité? Est-ce que c'est pour son programme ou pas? Très honnêtement, je pense que c'était plus un vote utile contre Trump. Puisque, et ça depuis 2016, les votes à gauche aux États-Unis sont très divisés eux aussi. Il y avait énormément de personnes qui ne soutenaient pas Hillary Clinton et qui soutenaient, par exemple, Sanders, enfin d'autres candidats qui tendent plus à gauche. Et ces élections, c'était la même chose. Pour les primaires démocrates, tout a été très, très divisé quand même. Il y avait beaucoup de personnes qui soutenaient Sanders, mais il y avait aussi énormément de personnes qui soutenaient Elizabeth Warren, qui elle aussi est plus, a une tendance plus à gauche que Biden. Mais il y a une énorme mobilisation à plusieurs niveaux en fait, que ce soit au niveau plus haut, ou que ce soit au niveau des communautés qui s'organisent pour soutenir Biden. Ça tourne énormément sur tout ce qui était ce qui tend à gauche aux États-Unis. L'idée de... c'est vrai que Biden n'est pas idéal, mais on doit arrêter ce qui se passe là, puisque c'était vraiment aux États-Unis, c'était perçu comme ça, et je pense que c'était une perception plutôt correcte. Et d'ailleurs... Étant donné que Trump n'a toujours pas cédé sa place, ça vient renforcer cette idée que cette perception était correcte, c'était que la démocratie était vraiment en danger aux États-Unis si jamais il était réélu. Donc tout ce qui est, toutes les instances qu'il peut y avoir aux États-Unis par rapport à la Chambre des représentants, au Sénat, par rapport à toutes les cours et la Cour suprême, etc., pour une, et là je dis beaucoup mon opinion aussi personnelle, mais pour un mandat, ça allait tenir. Il pouvait faire face à beaucoup des choses que Trump et son administration auraient voulu changer, disons ça comme ça, au niveau de la démocratie. Ça n'aurait sûrement pas tenu un deuxième mandat, en fait. Donc, je pense que clairement, ça a été un vote qui a été poussé par cette volonté de dire non à Trump, puisque même d'ailleurs sa vice-présidente Kamala Harris, c'est historique. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment totalement historique. Non seulement une femme vice-présidente, mais en plus une femme noire. Mais c'est vrai que pendant les primaires, par exemple, elle n'était pas très, très populaire. Donc, beaucoup de gens n'étaient pas spécialement contents que Biden l'ait choisi, elle, pour devenir vice-présidente. Et pourtant, il a gagné. Il n'y a pas encore le total des votes électoraux. Mais si les tendances avec la Géorgie, l'Arizona se poursuivent, il aurait un total de 306 votes électoraux. Et il en avait besoin de 270 pour gagner. Donc voilà, donc je pense que c'est très parlant. D'accord, merci beaucoup. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce stade-là, qui sont que se passe-t-il si Trump refuse de reconnaître sa défaite? Parce que les élections américaines, vous le savez tous, ne permettent pas un changement de président comme ça du jour au lendemain, comme c'est le cas en France. Le nouveau président prendra ses fonctions en 2021, c'est comme ça se passe tous les ans, voilà, c'est 4 ans pile toujours. Mais que se passe-t-il si Trump refuse de céder sa place? Ça pourrait être intéressant et je vous engage tous à regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Avant qu'on se pose toutes ces questions dans les temps qui viennent, je vais me tourner vers Anthony. Anthony, toi, tu t'es intéressé pas mal à la question de la politique étrangère et notamment à l'évolution que pourrait prendre la politique étrangère américaine sous l'ère de Biden. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous montrer peut-être quelles sont les tendances qui vont rester, Trump-Biden, parce que souvent on fait figurer Trump comme une vraie rupture en politique étrangère, alors que finalement, quand on regarde dans le fond, on se rend compte que la politique étrangère américaine sous Trump n'a pas changé tant que ça, de style, oui, mais dans le fond, finalement, on a des grandes tendances. Alors, tout à fait, l'une des premières continuités avec Barack Obama, qui avait été observée par beaucoup de monde, était que Obama avait déjà beaucoup insisté pour que les Européens augmentent leur budget de défense et payent leur part de la défense globale et de leur propre défense en allant jusqu'à dans l'OTAN, oui, en allant jusqu'à les traiter de passagers clandestins. C'était un mot très fort qui avait beaucoup marqué et les remontrances de Trump sur les budgets européens n'étaient que dans la continuité de celle d'Obama. Une chose qui est sûre, c'est que Biden joindra à nouveau l'accord pour le climat de Paris de la COP21. C'est assez peu engageant, puisque de toute façon, les émissions américaines baissent sans application de cet accord par Trump. Ils ont baissé d'à peu près 10%, mais le programme de Biden accélérera cette transition et ça sera un geste plutôt symbolique qui sera fait dès le premier jour, ce qui signifie que aussi le président n'a pas besoin de l'accord des chambres pour ratifier cet accord. C'est quelque chose qu'il peut faire lui-même. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est par exemple, le principal conseiller de Joe Biden pour la politique étrangère, qui était déjà son conseiller en tant que vice-président, s'appelle Anthony Blinken et est un européanophile puisqu'il a fait 10 ans d'études avant de rejoindre l'université américaine en France, à Paris. C'est un excellent francophone qui parle vraiment extrêmement bien et quasiment sans accent, donc qui a vraiment un esprit qui s'est formé en Europe et celui-ci qui devrait soit être chef du Conseil de sécurité nationale, donc qui est une institution qui est rattachée directement à la Maison-Blanche, ou bien peut-être secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, eh bien, Anthony Blinken a montré que l'Europe serait une priorité pour lutter contre la Chine, que l'Europe ne serait pas oubliée, mais que la stratégie de Trump allait être corrigée, mais pas abandonnée dans l'idée de réussir à réformer les politiques chinoises, notamment d'accès au marché intérieur de la Chine, qui était la principale remontrance de Trump. Nous, on a ouvert notre marché à la Chine. Les Chinois ont beaucoup exporté. Il y a beaucoup d'usines qui ont été s'installer en Chine. Les Chinois ont gagné beaucoup de parts de marché chez nous. Mais nous, nous n'avons pas gagné des parts de marché chez eux ou insuffisamment, ce qui n'a pas permis de maintenir l'activité manufacturière suffisamment. Donc ça, ça devrait être une des continuités entre Trump et Biden, la volonté de changer les accords commerciaux avec la Chine, bien que la méthode différera. Est-ce que tu penses que le fait que son conseiller diplomatique soit francophile, est-ce que tu penses que ça préfigure peut-être d'un réchauffement des relations entre France et États-Unis pour les 4 prochaines années? Et est-ce que tu penses que ça pourrait avoir une incidence sur les combats finalement que se mènent la France et les États-Unis sur la question des BITD et sur la juridiction exportée des États-Unis? BITD, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ça veut dire la base industrielle et technique de défense. Donc c'est globalement tout ce qui est industrie qui permet de créer la défense dans un domaine donné, enfin dans une zone géographique donnée. Alors sur ce domaine, les Européens et les Américains sont des concurrents pour l'export et pour gagner des marchés. Ce qui est probable, c'est que là, il y a assez peu de changements. En tout cas, le Biden est assez proche de ce qu'on peut appeler le complexe industriel-militaire. Militaro-industriel, pardon, et qui est un sénateur qui est issu d'un département qui est très industriel, avec la grande entreprise Dupont de Nemours, qui est un fournisseur de l'armée américaine depuis les guerres de l'indépendance. Donc c'est une entreprise très ancienne. Et le fait que Anthony Blinken, qui sera sûrement une des personnes les plus importantes de cette administration Biden, soit francophile, augure évidemment d'un rapprochement et d'un soutien. Ce qui est très clair, c'est que pour Biden, la lutte contre la Chine sera une lutte faite avec les Européens, qui ne peut aboutir et réussir qu'avec les Européens, pas en opposition avec eux. Mais cette tendance était déjà à l'œuvre dans l'administration Trump, et on avait même eu, dans la dernière grande réunion de l'OTAN, en mai ou en avril, cette idée que la Chine, l'OTAN pourrait servir demain à être une alliance non plus avide, non plus contre l'Union soviétique, mais peut-être contre la Chine, et s'élargir. Trump avait même proposé que l'OTAN s'élargisse au Moyen-Orient. Il voulait en faire une sorte d'otase moyen-orientale. C'était une proposition un peu baroque qui avait fait lever quelques sourcils, mais peut-être que cette idée fera son chemin ou qu'on créera une sorte d'OTAN au Moyen-Orient. C'est une des possibilités, mais les débats sont toujours bipartisans et les idées infusent dans un camp et dans l'autre, mais au final, souvent, un consensus se fait dans la politique américaine, puisque il est assez difficile de faire entériner certaines mesures qui doivent avoir des majorités qualifiées, c'est-à-dire aux 3/5 souvent dans les chambres américaines. Donc les deux camps arrivent souvent à se rapprocher et la guerre n'est qu'éphémèrement totale dans la politique américaine. Carolina, tu avais peut-être une question ? Non, pardon, mais en fait, à peu près à l'instant, Trump vient de virer son secrétaire de défense. Voilà, c'est tout. D'accord. C'était une relation assez difficile. Il y a eu beaucoup de Secretary of Defense pendant l'administration Trump, le mandat de Trump, et c'est quelque chose qui a été assez difficile. Mais au bout de 2 ans, il y avait quand même une certaine stabilité, surtout autour de Mike Pompeo, qui est vu par beaucoup d'ailleurs comme l'héritier potentiel du Trumpisme et qui pourrait être candidat en 2024 si la tendance populiste l'emporte à nouveau dans les primaires. On saura très vite, parce que dès 2022, il y aura des midterms, hein, on vote tous les 2 ans aux États-Unis, et on saura déjà quelles sont les lignes de force au sein du Parti républicain. Il y a même la rumeur de la création d'un parti Trump, mais qui n'aura lieu que si ils sont mis en minorité au Parti républicain, sinon ce sera juste une prise de pouvoir au sein de ce parti. D'accord. Et sur la politique étrangère qui concerne ni l'Europe ni la Chine, peut-être la politique étrangère en direction de l'Amérique du Sud, dont on parle finalement peu en Europe, mais qui est vraiment très importante pour les États-Unis et pour le continent sud-américain. Est-ce qu'on pourrait voir des changements entre Trump et Biden, ou est-ce que finalement c'est une politique qui durera? Alors, la stratégie de Trump, elle était très claire, c'était une stratégie de pression maximale sur les régimes communistes ou castristes, on va dire, que sont Cuba et le Venezuela, avec des mesures de rétorsion « like never before », comme disait souvent Trump, c'est-à-dire une coupure totale des échanges, hormis les échanges d'hydrocarbures entre le Venezuela et les États-Unis. Le Venezuela vend une partie de son pétrole aux États-Unis, et ça limite aussi en partie les crises. Trump est revenu sur les accords entre Cuba et les États-Unis, l'ouverture partielle des relations qu'avait fait Obama avec son conseiller, notamment Ben Rhodes, qui était un conseiller, on va dire, plutôt à gauche du Parti démocrate et qui semble être écarté de l'éventuelle équipe Biden. Donc c'est un indice aussi sur la teneur centriste de cette future administration. Et ce qui pourrait avoir lieu, c'est un peu plus de tolérance pour les régimes à gauche d'Amérique du Sud, moins de complaisance, voire de la fermeté face à Bolsonaro et les autres régimes assez à droite, et en tout cas la volonté de construire un espace de prospérité partagée qui est assez clair. Un petit indice aussi, le président mexicain a été un des derniers, il n'a toujours pas reconnu la victoire de Biden. C'est le signe d'une certaine animosité entre le parti du révolutionnaire institutionnel mexicain, donc celui qui a fait la révolution mexicaine, en tout cas qui en est sorti vainqueur, et l'actuel président, donc AMLO, les démocrates. Il y a quelque chose qui n'est pas très sain dans cette relation, et finalement les Mexicains s'accommodaient assez bien de Trump, comme le montre cette réaction, non pas d'hostilité, mais d'indifférence calculée. Alors, tout ça promet effectivement d'être intéressant. On va voir comment est-ce que les pays d'Amérique du Sud aussi réagissent à cette nouvelle, parce que ce que tu m'as dit, Anthony, avant qu'on commence l'émission, mais que j'aimerais bien souligner, c'est que il ne faudrait pas penser que Biden va suivre tout simplement l'exemple d'Obama. Joe Biden n'est pas le nouveau Barack Obama, plus vieux, et voilà, ce n'est pas la même chose. Et donc, tu le sous-entendais tout à l'heure, Joe Biden est beaucoup plus à droite que ne l'était Obama, ne serait-ce que dans les discours, mais aussi dans les actes. Oui, oui, tout à fait. Alors, même si la plupart des hauts postes qui se profilent pour les grands ministères de Joe Biden sont des anciens de l'administration Obama, aux États-Unis, vous avez un vice-ministre et un député vice-premier ministre, c'est-à-dire un vice-ministre adjoint, c'est-à-dire que vous avez deux ou trois rangs dans la hiérarchie. Vous avez trois ou quatre vice-ministres de la Défense, ce qui permet de monter en grade, si vous voulez, d'administration en administration. Donc la plupart sont connus. Par exemple, celle qui est dans les petits papiers apparemment de Biden, s'appelle Michelle Flournoy, elle est d'origine belge, mais elle est bien américaine, et c'est elle qui a, par exemple, plaidé auprès d'Obama pour l'intervention américaine en Libye en soutien des Français et des Anglais en 2011. C'est quelque chose qui a été très amèrement regretté par Obama en raison du chaos que ça a provoqué en Libye, et c'est celle que peut-être Biden mettra en ministre de la Défense. Elle est d'ailleurs associée dans le cabinet de consulting international que Anthony Blinken et d'autres anciens de l'administration Obama ont fondé en 2017 après leur départ de la Maison-Blanche. Donc c'est des signes que c'est plutôt la tendance centriste qui va arriver au pouvoir dans deux mois, alors que Obama, et surtout le dernier Obama avec Susan Rice, qui était ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, ce poste le rang de ministre aux États-Unis, l'avait jusqu'à récemment, en tout cas, Trump a changé ça, et Samantha Powers, Ben Rhodes, qu'on a déjà mentionné, sont des gens qui sont plutôt à gauche du Parti démocrate, et c'est ceux qui sont moyennement favoris pour devenir ministre. On verra quelle est l'équipe qui est nommée dans les deux prochains mois par Joe Biden, mais pour l'instant, s'il n'y a pas un rééquilibrage des forces entre la gauche et la droite du parti démocrate, ça sera vraiment une administration centriste et au contraire d'Obama, qui était vu comme plus progressiste, on va dire, au sein du parti démocrate. Le fait que le Sénat soit peut-être républicain, il faudra attendre le deuxième tour l'élection en Géorgie pour le savoir. C'est un des rares États qui fait un run-off, c'est-à-dire un deuxième tour pour les élections sénatoriales, qui aura lieu en janvier. Eh bien, ça pourrait renforcer encore ce côté centriste de Biden, qui ira chercher des voix chez les républicains pour faire passer ses grandes réformes et ses grands projets de politique internationale. Je trouve que c'est quelque chose à souligner et à se rappeler, puisque maintenant que Biden a gagné, il y a beaucoup de personnes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs, qui ont cette image et cette idée, maintenant c'est bon, c'est bon. Trump a été vaincu et maintenant c'est bon. Non, les problèmes qui ont fait que Trump soit au pouvoir sont toujours là. Ils continueront à être là. D'ailleurs, comme j'étais en train de dire par rapport à Mike Pompeo, qui pourrait être le prochain candidat, etc. etc. Et du côté des démocrates, les mêmes problèmes dont je parlais plus tôt par rapport à ces divisions à l'intérieur du parti qu'il y a, ils seront toujours là aussi. Donc, c'est sûr que Biden, il doit faire attention. Il a un chemin difficile à naviguer entre tous ces côtés et tous ces tiraillements, et pour qu'on ne se retrouve pas au même endroit, en fait, dans 4 ans. Voilà, c'était juste. Oui, loin de moi de vouloir utiliser une formule très journalistique et qu'on a beaucoup entendue sur les États-Unis ces derniers temps, mais je la trouve finalement très juste. La société américaine et la politique américaine est extrêmement divisée. Si Joe Biden a réussi à rassembler, c'est ce que tu disais, Carolina, c'est plus pour faire barrage à Trump que pour Joe Biden lui-même. Et même si Biden arrive à avoir une majorité des sièges à la Chambre des représentants, ça ne veut pas dire que faire passer des lois et faire passer des traités, ce sera chose aisée. Parce que ce qu'on oublie souvent quand on est français, c'est que le système américain ne fonctionne pas comme le système français. L'équilibre des pouvoirs entre présidence et l'équivalent de nos députés, finalement, est beaucoup plus fort en faveur des députés que chez nous. Chez nous, le président a beaucoup, beaucoup de pouvoir, les députés en ont beaucoup moins, alors qu'aux États-Unis, le côté législatif a une vraie force de blocage. Quand on parle de shutdown des administrations, c'est justement quand les législateurs se placent en contradiction de l'exécutif sur la question du budget, que donc l'administration s'arrête, sauf pour les fonctions vitales. Et ce qui me semble important de noter et de rajouter à ce que tu viens de dire, Carolina, c'est que tout ce qui fait que les élections ont été divisées par plein de sous-tensions dans le Parti démocrate, dans le Parti républicain, parce que Trump ne fait pas non plus l'unanimité dans le Parti républicain, il ne faudrait pas penser ça, ça va continuer d'exister. Et effectivement, Joe Biden, en étant un peu plus à droite dans les démocrates, peut peut-être essayer de rassembler. Néanmoins, ça va être très compliqué pour lui. Alors, avant de terminer cette session, j'avais une dernière question pour Anthony, parce que je ne peux pas m'empêcher de poser des questions sur le nucléaire, vous me connaissez. Trump était sorti de l'accord qu'avait fait Obama avec l'Iran, en disant que c'était « the worst deal ever ». Vous remarquerez mon superbe accent. Est-ce que la présidence Biden pourrait revenir sur une telle sortie? Est-ce que les relations avec l'Iran pourraient se réchauffer? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la stabilité au Moyen-Orient et notamment sur les questions nucléaires et balistiques? Alors, Anthony Blinken s'est beaucoup exprimé sur le sujet du JCPOA, donc l'accord global pour le Moyen-Orient avec l'Iran. Il a indiqué de manière très claire que les États-Unis étaient prêts à revenir à la table de négociation si les Iraniens étaient prêts eux aussi à y revenir. C'est-à-dire que le retour au JCPOA, à l'accord conclu en 2015 avec l'Iran, ne se fera pas à n'importe quel prix. Blinken a été très clair là-dessus. Il faudra que les Iraniens arrêtent l'enrichissement de l'uranium, montrent qu'ils ne sont pas en train de rechercher d'autres technologies pour mettre au point une bombe nucléaire, et montrent des signes d'apaisement au Moyen-Orient dans ce qui est convenu d'appeler l'arc chiite, qui va de Téhéran à la partie chiite de l'Irak, à la Syrie, des Alaouites, de Bachar Assad et au Hezbollah au Liban, et peut-être même maintenant jusqu'au Hamas à Gaza, qui est devenu de plus en plus proche de ces quatre groupes politiques. Autre chose qu'on pourrait dire sur le nucléaire, bon, sur l'accord, il y a quand même un « oui mais », et le « mais » est assez important, et ça pourrait être un prétexte pour ne pas revenir au JCPOA malgré la promesse qui en avait été faite. Donc ça pourrait être aussi un point d'accord avec l'administration Trump. Un point important, c'est donc le traité NFI. Bon, les Russes ont montré qu'ils étaient prêts à prolonger la durée de vie de ce traité au moins d'un an pour négocier, mais surtout dans le nucléaire tactique. Olivier Zajec, qui est le directeur du USD, a récemment fait une note sur le nucléaire tactique en disant qu'il y avait un vrai retour et qui a été accéléré par Trump du nucléaire tactique. Biden a dit que les armes nucléaires ne devaient pas jouer un rôle dans notre dissuasion conventionnelle. Il a été très clair, Biden président, ce sera un coup d'arrêt au nucléaire tactique pour les États-Unis. Et c'est sur cette très belle phrase et sur ce qui nous donne à penser, nous chercheurs qui nous intéressons au nucléaire, sur le futur de la future NPR, justement. On va se laisser là-dessus, parce que même si l'épisode était un peu court et que j'imagine que ça vous laisse un petit peu sur votre faim, parce qu'il reste énormément de sujets à évoquer en termes de politique étrangère états-unienne, on va s'arrêter là aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare un épisode pour dans quelques mois, spécialisé sur la future diplomatie et la future politique étrangère américaine, donc sous l'ère Biden, quand on aura un petit peu plus de détails, et ce sera l'occasion de réinviter Anthony évidemment, et quelques autres invités que nous gardons secrets pour l'instant. On vous souhaite donc à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre épisode de novembre sur les relations franco-brésiliennes de défense. Carolina, Anthony, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.